Chapitre 18. Exécuté. Monsieur Dussonville venait avec sa troupe sur les directeurs, et eux sur lui, ni l'un ni les autres ne s'en doutant. Quand on se dirige à la boussole, on coupe autant que possible au plus court. On a grande chance, allant l'un contre l'autre, de se rencontrer, et ce fut ce qui arriva au cours d'une marche. Les directeurs s'abouchèrent aussitôt avec monsieur Dussonville. Celui-ci lut la lettre de sa nièce longuement et l'étudia en silence. Enfin, hautement et plein de mépris pour ses maîtres chanteurs, M. Dussonville leur demanda « À combien la rançon ?» Mais en ce moment, Rayon d'Or fit irruption dans la tente du commandant. Celui-ci eut le pressentiment que c'était là un courrier de sa nièce. « Que voulez-vous » demanda-t-il. « Un entretien, nouvelle intéressante et pressée. » « Messieurs, dit le commandant, attendez-moi, ce ne sera pas long. » Il sortit avec Rayon d'Or. Celui-ci tendit la lettre de sa nièce et lui apprit la situation nouvelle. Le commandant sourit. Il fit ranger 10 hommes devant la tente, 10 hommes armés du terrible fusil américain, 50 balles explosibles à la minute, et il leur commanda de faire feu continu. Un seul directeur parvint à sortir de la tente, mais il tomba roide mort. Justice était faite.